Welcome to the hardcore, hardcore, hardcore. Welcome to the hardcore, hardcore, hardcore. Welcome to the hardcore, hardcore, hardcore. Welcome to the hardcore, hardcore, hardcore. Welcome to the hardcore, hardcore, hardcore. Welcome to the hardcore, hardcore, hardcore. Welcome to the hardcore, hardcore, hardcore. Welcome to the hardcore, hardcore, hardcore. Welcome to the hardcore, range ton hardtop dans ta capote. Putain tu carottes mon frère, va falloir que tu t'accroches. Faut te mettre au parfum car il faut une chute à la fin. Je mange tous ces petits PD à ma faim. On devrait enfermer ton bourrico dans le gaz à shit. À l'Elysée c'est le président qui fait tourner son shit. Arrête de me brancher sur le retour de Baby. Avec moi t'auras du verdict car mon rap est hérétique. Pas critique, me compare pas Vin Diesel et à Booba. C'est moi qui te la mets profond en faisant des coupas. Je suis coupable, d'où je te parle du studio en direct live. Je vais te maraver la gueule comme Ludacris en guise. Ne t'inquiète pas, mes nerfs, je les canalise. Rime de bâtard, je m'en bats les couilles des Black Eyed Peas. Dans le rap game, on assassine les John Kennedy. Les petits bâtards, on les viole à South Park avant de fuser Kenny. Welcome to the hardcore, hardcore, hardcore. Welcome to the hardcore, hardcore, hardcore. Welcome to the hardcore, hardcore, hardcore. Welcome to the hardcore, hardcore, hardcore. Welcome to the hardcore, hardcore, hardcore. Welcome to the hardcore, hardcore, hardcore. Welcome to the hardcore, hardcore, hardcore. Welcome to the hardcore, hardcore, hardcore. Que la Dolce Vita commence.